Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre ? Aidez-nous à sauver l'Oasis. On va vous faire une critique en retard du film Ready Player One, qui était sorti donc le 28 mars en France. Bon ben j'ai mis un peu de temps pour aller le voir, bon rien que à peu près 2 mois, donc voilà, c'est un film que j'avais pas forcément envie de voir, donc j'ai traîné un petit peu. Mais comme Fabien et moi maintenant l'avons vu, on va vous faire une petite critique, alors une petite rétrospective de Ready Player One, sachant que comme il est sorti il y a maintenant 2 mois, on va considérer que si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous l'avez vu, donc il y aura des spoilers. Des spoilers à tire-l'arigot, on va dire. Et faudra rappeler que le film est réalisé par Steven Spielberg. C'est adapté d'un roman de Ernest Cline, qui est une espèce de un peu de guide pour les geeks, quoi. C'est un peu une référence dans l'univers littéraire pour les geeks. Et dans ce film, on a le héros qui s'appelle Percival, qui passe d'un monde à l'autre, virtuel, pour en fait trouver 3 clés afin que de retrouver le scénario. Je peux vous le dire, c'est une quête pour s'approprier l'Oasis. Qui a été créé par James Halliday. Voilà, c'est ça. Donc plusieurs décennies auparavant, génie, genre à la Jobs, d'ailleurs il y a quelques références à Jobs dans le film, donc il s'appelle Halliday, rien à voir avec Johnny, hein. Donc créer un monde virtuel appelé l'Oasis, on va dire un World of Warcraft amélioré à peu près, c'est-à-dire que dans ce monde-là, c'est virtuel certes, mais on peut être ce qu'on veut, et donc avant sa mort, il a vu le coup arriver, et puis il s'est dit, je vais faire un easter egg dans le jeu, et puis il y aura des trucs à trouver dans le jeu, on trouvera 3 clés, et celui qui a les 3 clés prendra le contrôle total de l'Oasis, plus la bagatelle de 500 000 milliards ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc tout le monde s'y met, et puis reste bloqué pendant des années à la première quête, qui est une course en voiture. Et donc l'histoire de ce film, c'est donc Percival, comme tu dis, qui est fan de la vie de ce Halliday, parce qu'en fait il va dans une bibliothèque virtuelle tout savoir ce qu'il y a à savoir sur son idole, avec les connaissances qu'il a accumulées et avec un instinct, on va dire, voilà, un instinct de jeune prépubère. Il arrive à comprendre quelques épreuves de ce truc et à sortir du lot, et s'engage une course pour le contrôle de l'Oasis. Passer ce résumé, on va un petit peu débattre sur ce film, parce que moi j'ai vu pas mal de critiques s'emballer, quoi, carrément, de youtubeurs crier carrément au chef-d'œuvre, de dire ouais, c'est le plus grand film de Spielberg au niveau mise en scène, tout ça. Déjà, mise en scène, je vois pas où elle est, parce que c'est une suite de cinématique pour moi, avec quelques millions de dollars. Il n'y a pas de défi technique pour moi. Visuellement, ouais, c'est beau, mais bon, est-ce que se contenter de multiples visuels, d'ultra référentiels, j'ai envie de dire, ça doit se contenter d'un film, parce que quand on ressort dans le monde réel, c'est très creux. On est loin de la profondeur d'un Matrix, par exemple, où là, il y avait un vrai débat sur le monde virtuel et sur ses conséquences sur le monde réel. J'ai rien vu de métaphorique. Les mecs se sont complètement emballés en disant qu'il y avait une force nostalgique dans ce film. Oui, il y a une force nostalgique. Mais il y a aussi l'appel du pognon facile. C'est pour ça que je trouve que Spielberg, lui, il va dans la facilité, il va dans la complaisance, même dans ses images et même dans sa mise en scène, et il s'embarrasse pas, quoi. Malheureusement, je pensais confronter mon avis à celui de Fabien, qui n'avait pas aimé. Moi, d'après les critiques que j'écoute sur internet, je me suis dit, il peut avoir du bon, et puis voilà, j'ai déchanté quand je suis rentré là-dedans, quoi. C'est un film clairement fait pour ça, fait pour qu'on ait la film nostalgique de la pop culture et les geekeries des années 80 et 90 qui ressortent. Le scénario, c'est digne d'un Percy Jackson ou d'un Jupiter, le destin de l'univers. Il n'y a rien d'autre à en tirer, hein. C'est le petit adolescent qui va s'accomplir et devenir omnipotent dans son monde, enfin voilà, quelqu'un entre guillemets. Puis il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas vraiment de scénario à défendre. Le méchant, ça se voit sur sa gueule que c'est un méchant. Après c'est pas quelque chose qui m'a plu, et malheureusement, donc moi je rentre dans le même avis que Fabien, c'est que à part nous servir une soupe vomitive d'éléments clin d'œil, il n'y a rien qui avance dans ce film. Non, c'est vrai qu'au niveau d'histoire, c'est creux, c'est je suis même pas passionné par sa quête. En plus, on nous balance une séquence à la Shining. Ah oui, c'est beau. Tout le monde a dit oh, c'est beau. Pour moi, c'est du copier-coller du film de Kubrick, hein. Il y a rien d'innovateur, quoi. Je suis d'accord avec toi. La scène avec Shining, ouais, c'est beau. Et c'est tout. Et c'est tout. Je veux dire, c'est une belle coquille vide comme pourrait l'être. Non, je sais pas moi où ils ont trouvé le Graal justement, parce qu'on parle de justement de la quête et de Perceval. Il y a rien dans ce film qui me dit oui, c'est un nouvel étalon pour la culture geek. Ah ouais, bah oui, c'est un film que les geeks porteront certainement au nu parce que ils ont vu plein de trucs qui leur plaît. On va quand même citer ces batailles. Il y a la course où on retrouve au hasard, on va dire, hein, la DeLorean, la Batmobile, l'intercepteur de Mad Max. La moto d'Akira. Aussi, il y a le King Kong, il y a le Jurassic, le T-Rex. Et puis à la fin, c'est l'overdose de personnages de comics et de. T'as le Batman, t'as le Spawn, t'as le Robocop qui sort de la boîte de nuit à un moment. Ouais, t'as les personnages de Halo pour parler au plus récent, on va dire. Mmh. Oh, ça fait vraiment un gloubi-boulguin indigeste de personnages. Ouais, t'arrives pas, puis on nous balance des personnages genre Chucky. Mmh. Ouais, tu vois, il y en a qui ne doivent pas connaître dans la salle parce que t'as les autres qui gueulent « Oh, regardez, c'est Chucky !» Donc, on l'a vu, c'est Chucky, t'as pas besoin de nous l'enfoncer un coup de pelle dans la gueule, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout des références comme ça, c'est-à-dire que t'ouvres grand ta bouche ou on t'ouvre grand ton cerveau et on te dit « Allez, on met des pelletés de trucs que t'aimes bien. » Et puis, il arrive un moment, c'est l'overdose, littéralement. Ouais, pour moi, c'est... Si on fait avaler une soupe avec plein de, je vais dire, de vitamines, avec du... Bah, je disais tous les références tout à l'heure. Là, on te le force et puis on te fait bien marronner que... Enfin, bah, on aimait préciser, alors c'est hyper lourd, c'est, on te dit bien, ah regarde c'est Batman, ah regarde c'est machin, à un moment il s'habille chaque fois, il dit, oh je vais prendre Jackson, je vais plus faire qui que peut, franchement on n'a pas besoin de rappel comme ça, on le sait ou on le sait pas, c'est tout, il n'y a aucune subtilité dans ce film pour moi. Non ouais, c'est lourd, c'est enfoncé, on va se répéter hein, parce que c'est ça, ouais. Et puis voilà, d'accord, les effets numériques sont vraiment bien, la scène avec la voiture, là, visuellement c'est bien, mais après voilà c'est tout, visuellement ouais c'est correct, mais il n'y a pas de scénario et de jeu d'acteurs derrière qui peuvent dire ouais ce film y est bien, il y a quelque chose à prendre. Non, c'est, j'ai l'impression d'avoir regardé un ouais, je te le dis, un Percy Jackson à la sauce années 80-90 pop culture. Bah, le défi technique, ouais, enfin, faut pas dire que c'est Spielberg qui est derrière la caméra parce que c'est tous les techniciens déjà d'ILM qui font le boulot et lui il est là pour un peu pour chapeauter, mais il dit on voit quand même les geeks et puis cette connerie c'est la salle de réunion là à la fin là, quand ils commencent tous à crier ouais, il est en train de gagner alors qu'ils bossent tous pour le méchant, qui est hyper caricatural. Moi, j'avais bien aimé cet acteur dans le rôle de Krennic dans Rogue One, mais là, il est vraiment mauvais, vraiment détestable, et même le héros principal, il n'a aucun charisme. Mais après, t'as le secondaire, toi. Le gros balèze, comme par hasard, c'est une noire qui parle un peu banlieusarde, et t'as les Asiates, bah, comme par hasard, c'est des ninjas à G.I. Joe, quoi. Bah ouais, et puis bah, quand cette scène contre Mechagodzilla, par exemple, qui représente bien l'industrie, tu vois, la grosse industrie contre les petites œuvres, et puis bah voilà, ils appellent l'Asiate qui se transforme en Gundam, quoi. Oui, il y a Gundam, il y a aussi le géant de fer. Moi, j'appelle ça un cliché raciste. Hein. C'est l'Asiate qui a Gundam avec lui, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bah, c'est de la caricature, je ne dirais pas que c'est du racisme, mais on est vraiment dans la caricature, dans le clicheton, je veux dire, commercial, quoi. Moi, je trouve que ça vient du racisme. Ouais, Thor Ragnarok, c'est le black. Pardon. Avengers 4, c'est le black qui meurt en premier. Pacific Rim 2, c'est un indien qui crève. Là, il faut un mec avec des ninjas qui jouent à la Gundam, c'est un asiatique. Ça commence à faire lourd au niveau cinématographique. Ouais, mais ça, c'est un peu l'esprit d'Hollywood et on sait qu'ils sont pas fins dans les scénaristes. De toute façon, le mec qui a écrit ça, je veux dire, le scénario, il s'est pas cassé le cul. Franchement, il n'y a rien pour tenir l'histoire. Tu mettrais pas la partie humaine, t'aurais une grosse cinématique pour moi, mais la partie humaine, franchement, il n'y a aucun souvenir qui me revient. C'est-à-dire, c'est tellement plat, tu devines tout à l'avance, tu sais même comment ça va se terminer. Et puis, j'ai bien aimé la fin. Ah ouais, le monde virtuel, c'est pas beau. Hein. Donc, on va couper deux jours l'Oasis, et puis comme ça, vous sortirez. Hein. Ils se battent pour quoi, les mecs? Ils se battent pour l'Oasis ou ils se battent pour pognon? Parce que là, finalement, le truc va continuer à tourner. Il a juste changé de propriétaire, mais ça va continuer à tourner. Finalement, moi je trouve qu'il y a aucun enjeu pour comme dans Matrix par exemple, où là l'enjeu c'était de réveiller l'humanité. Là, ben non, on réveille pas l'humanité. Il faut qu'il continue à jouer à l'Oasis parce que le dieu pognon est derrière, c'est tout. Ouais, puis on essaye de nous faire passer aussi ce message que avec les DLC payants de tous les jeux maintenant, ça devient galère. Parce que maintenant, tu sais, quand t'achètes un jeu, t'as la version de base, et si tu veux avancer dans le jeu, bah voilà, tu dois acheter ce qu'on appelle des DLC. Des téléchargements pour ton skin, une arme, un truc qui va te faire gagner sur les autres, etc. Ouais. Et voilà, c'est ce qui est dénoncé. J'ai l'impression que c'est ça qui est dénoncé dans le film, c'est-à-dire bah, à force de mettre tout ton pognon là-dedans, voilà, si tu meurs dans l'Oasis, bah, t'es fauché dans l'Oasis. Et conclusion, bah, t'as perdu du vrai pognon. Et c'est pour ça qu'à la fin, comme tu dis, il récupère l'Oasis, mais il ferme les centres de fidélité pour éviter ça. Ouais, enfin, moi, j'ai pas perçu comme ça. Je trouve que c'est plutôt négatif de la part Mais il y aura toujours une dépendance de l'humanité à l'Oasis finalement. Puis dans le film, on te montre qu'une partie du monde. Il y a jamais de regard extérieur, sur des autres pays, par exemple sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Asie. On te montre que le côté américain du truc, quoi. C'est ça qui me dérange un peu aussi. Ouais, puis on te dit que l'Oasis c'est mondial, mais enfin, ouais. T'as vu dans le clan, ils habitent tous dans le même coin. Ouais, c'est donc ça. Voilà, non, c'est des facilités de films d'ado. Pour moi, c'est un film d'ado ou un film qui va aller titiller les quarantenaires pour te dire voilà, années 80, Zemeckis. T'as bien aimé DeLorean, ouais. T'as bien aimé les Goonies, t'as bien aimé Explorers, t'as bien aimé les films des années 80. Mais là, à part que là, il n'y avait pas une volonté de mercantile de faire du pognon et de revenir au box-office, parce que Spielberg, il sait bien qu'avec ses derniers films, bon, ils n'ont pas été super portés au nu. Mais là, on sent qu'il veut rentrer dans le jeu, c'est-à-dire se mesurer à des Michael Bay ou à des autres réalisateurs un peu plus connus dans le monde des effets spéciaux numériques. Quoi, les Star Wars et les... D'ailleurs, c'est Spielberg, c'est le même qui a dit que les super-héros avaient une durée de vie limitée. Ben, apparemment, il s'est planté parce que, apparemment, Avengers Infinity War fait toujours autant d'entrées. Bon, le DC Comics Universe, c'est autre chose parce que la qualité perd en. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Tout ce qu'il a dit, ben, il a dit que des conneries, quoi, finalement. Et qu'il est un peu jaloux du succès de ces films-là. Il n'arrive pas non plus à accepter qu'il faut passer la main. Ça a été un grand réalisateur, faut pas renier. J'ai des films comme Les Dents de la Mer ou Encore du Troisième Type ou Indiana Jones, ce sont d'immenses films de grands chefs-d'œuvre. Mais il y a un moment où il faut pas ratisser dans les petits plats et en espérant faire du pognon box-office, quoi. Mais moi, je vois de ce côté-là, et d'autres ont dit ah ben c'est Spielberg, il est nostalgique, ouais, mais il est nostalgique du pognon aussi, quoi. Après, il peut nous montrer un échantillonnage de ce qu'il sait faire en numérique, ça me dérangerait pas s'il y a un scénario derrière. Là, c'est vraiment balancer du numérique pour le plaisir de balancer du numérique, ratisser large, on va dire, de celui qui a 10 ans et qui joue à Halo jusqu'à celui qui a 40-50 ans et qui a connu les films des années 80. Voilà, il passe le râteau, il ratisse large, mais voilà, c'est pourtant, ouais, Spielberg sait faire des bons films avec des effets spéciaux, hein, comme Jurassic Park, ouais. Ou même sans effets spéciaux, comme La Liste de Schindler. Donc il sait faire des bons films. Là, ce film-là, j'ai eu l'impression qu'il nous. En gros, je vais être méchant, qu'il nous crachait à la gueule pour dire venez voir, j'ai besoin de pognon, regardez, je ratisse large. C'est des années 80, 2000, etc. Il y a eu des films, ils ont fait un box-office assez colossal, alors venez voir, il y a plein de références. J'ai eu l'impression de voir ça. Ouais, c'est un catalogue de références, tout à fait. Et pour revenir à Jurassic Park, c'est vrai que Simon Lloyd a un peu lancé une nouvelle ère d'effets spéciaux, parce que avec le T-Rex, c'est toujours aussi impressionnant de le voir. Et c'était en 93, il faut bien s'en souvenir. Avant, il y avait eu Terminator 2 avec le T-1000, et là aussi, c'était une espèce d'évolution dans le visuel. Mais là, moi, je m'inquiète parce que là, il va nous faire. D'ailleurs, on en a parlé dans les news, c'est qu'il va se refaire un Ninja Jones numéro 5. Mais pourquoi faire, quoi? Il sait pas faire d'autre chose de divertissant. Faut qu'il ramène tous les antiquités sur le grand écran, parce que c'est vrai que ça marche de faire des remakes et des reboots. Il sait pas créer autre chose, quoi, le mec. Ça marche, oui et non, hein. Je veux dire, si tu prends on va comparer la saga Indiana Jones et la saga Terminator, je vois bien que c'est pas le même réalisateur. Mais là, regarde, Indiana Jones 1, 2, 3, nickel, pas de problème. Bien. Terminator 1, 2, 3, un peu moins, bof. Et là, ils sont en train de nous pourrir une licence, quoi. Au lieu de laisser des bons souvenirs, ils vont réussir à dégoûter les jeunes de la licence qui était avant. Les CGI, les effets de CGI, quand il y a de la nouveauté derrière dans le scénario, quand il y a une vision utopiste ou même dystopique, hein, il n'y a pas de souci, on adhère. Mais alors, quand c'est voilà, genre de film pour racler les fonds de tiroir dans le genre Indiana Jones, pour te dire, c'est vrai qu'on avait une bonne base de fans. Puis là, dans les trucs des années 80, ratisser encore plus large, moi, c'est des choses qui me gênent plus. Ouais, c'est ça, c'est l'aspect toujours mercantile, financier, avec les actionnaires derrière. Enfin, j'ai un petit peu un discours bizarre, mais. Ah non, c'est ça, hein, c'est l'effet Star Wars. Hein, on en a marre de cette soupe parce que on veut remonter un peu le niveau des comptes bancaires des sociétés, et on le fait au détriment des fans qui sont encore assez cons pour aller voir des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et j'en fais partie, j'ai été le voir. Hein. J'ai été le voir, mais le trailer, moi, m'avait pas plus emballé que ça. C'est parce que je voulais voir, c'est parce qu'il y avait le nom de Spielberg, et je me suis dit qu'il y aurait peut-être un fond ou une bonne histoire à suivre, et je me suis complètement planté sur toute la ligne, et que ce soit au niveau scénaristique ou visuel, moi j'ai trouvé ça complètement raté, quoi, et opportuniste. Et c'est décevant, quoi. Moi, je suis super déçu parce que Spielberg, je l'aime bien. Je trouve que ses discours à la mort moelle-neu et après de dire de faire le contraire et d'aller dans le sens du poil parce que ça plaît au public, ça, je n'aime pas, quoi. Il faut refaire des bons films. Et de toute façon, Hollywood, j'ai l'impression que c'est que ça va être que ça, que du recyclage, de la nostalgie parce qu'ils voient que ça marche. C'est le problème aussi de Disney, c'est qu'ils sont en train de racheter toutes les licences, c'est-à-dire qu'ils rachètent la Fox, ils rachètent Sony aussi, il me semble, et ils vont pour s'emparer de tout, ils vont tout lisser et il y aura plus de vraiment de diversification dans les blockbusters quoi finalement. Ouais, et puis il y a pas que dans les blockbusters, hein, même dans les séries télé. Là, ouais, ils sont en panne d'inspiration colossale. Hein. On nous a ressorti un Star Trek, heureusement il était bon. Après voilà, on nous ressort Lost in Space qui a l'air déjà mort dans l'œuf parce que ça a l'air vraiment plat. Tu vois, on nous resserre toujours des trucs qu'on a aimés avant et on nous les resserre maintenant. Et conclusion, les licences meurent à petit feu. Ou bien elles commencent à continuer à perdurer grâce aux générations qui connaissent pas les autres ou parce qu'il y a un aspect novateur au niveau visuel. Mais moi j'ai l'impression que Star Wars 8 c'est plus aspect visuel qui a prévalu sur le côté scénaristique parce que franchement pour que ça remporte autant de succès auprès de la critique et auprès du public, même si ça a divisé les fans, mais moi j'ai aucune attente pour le 9. Là on va aller voir Solo bientôt et j'espère que Solo va relever un peu le niveau de la saga Star Wars. Maintenant bon, on s'est un peu éloigné du sujet. Moi je trouve qu'on s'est pas éloigné. Regarde, on nous sert une soupe, on verra avec Solo. Ouais. À quoi s'attendre ? Parce que s'il n'y a pas de scénar derrière et que les CGI sont magnifiques, voilà, ça va être encore un film de brin si ouais, jamais c'est comme ça. Et après, bah, s'ils ont des galères avec les CGI, un peu comme les Dents de la Mer, hein, pour revenir sur le podcast qu'on a fait juste avant sur les news, là, on parlait de The Meg. Voilà, quand Spielberg ou les autres n'ont jamais été aussi meilleurs que quand ils n'ont pas tout compté sur les CGI. Là, on est en train de tout compter sur les CGI. Alors là, Ready Player One, c'est un superbe exemple, parce que t'enlèves les CGI, il reste... rien. Rien du tout. Rien du tout. Pas d'histoire, pas de scénario, rien. Même les acteurs, ils sont pas bons, quoi. Ils sont... Après, voilà, c'est des petits jeunes au niveau des acteurs. Est-ce qu'on commence à être trop vieux pour ce genre de film ? Ben non, parce que là, on est pile dans les années qu'ils ont visées. Hein. La DeLorean, ça parlera plus à notre génération qu'aux jeunes. Mais en tout cas, là, je commence à avoir une saturation au niveau de, on va dire, du ramassage de paquets le plus large possible pour remettre un petit peu plus dans ses poches. Ouais, bah, je sais pas si on va en avoir, parce que je trouve que l'overdose de CGI, on en a encore qu'au début. C'est vraiment les films qu'il faut rentabiliser. Pour moi, c'est un modèle de film, c'est-à-dire que on prouve que par le CGI et l'overdose de référence, eh ben on peut faire du cash et il y a plus un scénario finalement. Donc bientôt on aura des films complets, un peu style comme Final Fantasy par exemple qui est en image de synthèse. Et ben on pourra faire que des films comme ça et ça plaira au public quoi. Ouais, et puis tant qu'ils compteront de façon que sur les CGI en se torchant avec le scénario, je pense qu'on aura le même problème hein, comme Star Wars 7, Star Wars 8. Peut-être Star Wars 9, on verra. Mais après, s'ils arrivent à améliorer un petit peu le scénario, comme Avatar, hein, bourré de CGI, mais le scénario, il était bien. Conclusion, le film était beaucoup plus intéressant. Et là, je pense que Hollywood est en train de passer en force dans l'univers du CGI en négligeant les scénarios. Bah, j'espère qu'Avatar 2, il y aura un petit peu d'histoire, parce que là, ça fait quand même une dizaine d'années que James Cameron doit nous sortir son Avatar. Apparemment, il sera en train d'en préparer 4 en même temps. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il fait, Cameron ? Il passe les années, il passe au-dessus. Et est-ce qu'il va nous livrer ? Est-ce que son film va pas être trop vieux ? Parce qu'Avatar, les effets spéciaux, ils sont quand même un petit peu vieillissants. Quand même. Bon, on va conclure sur Ready Player One. Ouais. Alors moi, je vous le conseille pas. Même avec le cerveau sur pause, il y a beaucoup de passages qui m'ont gêné. Donc, pas un film que je vous conseille. Est-ce que le scénario, c'est... Bah, je l'ai pas trouvé, donc je vous le dirai si je le trouve un jour. Sinon, un dégueulage de CGI. Donc la note, elle va être proche de zéro, je veux dire, pour moi. Ouais, bah, la note, elle va être au même niveau qu'un Dragon Ball Evolution. Pas plus. D'ailleurs, vous ne manquerez pas là, notre prochaine émission où on parlera de Nanar avec un duel. Ça, c'est inédit comme truc, attention. Hein, le duel Dragon Ball Evolution versus Fist of the North Star. Donc, ce sera dans une prochaine émission. On fait juste un petit teasing là, comme ça. Eh ben, on vous dit à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Hein. Alors, voilà, moi, je prends le pari sur Dragon Ball versus Ken. Film, tiens, justement, on va pouvoir comparer un petit peu que les CGI, ça peut pas forcément sauver un film. Ouais, et puis le budget non plus. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça ? Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.